290. Questions sur les existences passées et futures. Question 15. Les esprits peuvent-ils nous faire connaître nos existences passées? Réponse. Dieu permet quelquefois qu'elles soient révélées suivant le but. Si c'est pour votre édification et votre instruction, elles seront vraies. Et, dans ce cas, la révélation est presque toujours faite spontanément et d'une manière tout à fait imprévue. Mais il ne le permet jamais pour satisfaire une vaine curiosité. Pourquoi certains esprits ne se refusent-ils jamais à ces sortes de révélations? Réponse. Ce sont des esprits railleurs qui s'amusent à vos dépens. En général, vous devez regarder comme fausses ou tout au moins suspectes les révélations de cette nature qui n'ont pas un but éminemment sérieux et utile. Les esprits moqueurs se plaisent à flatter l'amour-propre par de prétendues origines. Il y a des médiums et des croyants qui acceptent pour argent comptant ce qui leur est dit sur ce point et qui ne voient pas que l'état actuel de leur esprit ne justifie en rien le rang qu'ils prétendent avoir occupé. Petite vanité dont s'amusent les esprits railleurs aussi bien que les hommes. Il serait plus logique et plus conforme à la marche progressive des êtres qui l'eussent monté que d'avoir descendu, ce qui serait plus honorable pour eux. Pour que l'on pût ajouter foi à ces sortes de révélations, il faudrait qu'elles fussent faites spontanément par divers médiums étrangers les uns aux autres et à ce qui aurait été révélé antérieurement. Alors là, il y aurait raison évidente de croire. Si l'on ne peut connaître son individualité antérieure, en est-il de même du genre d'existence que l'on a eue, de la position sociale que l'on a occupée, des qualités et des défauts qui ont prédominé en nous? Réponse. Non. Cela peut être révélé parce que vous pouvez en tirer profit pour votre amélioration. Mais d'ailleurs, en étudiant votre présent, vous pouvez vous-même déduire votre passé. Entre parenthèses, voyez le livre des esprits, Oubli du passé, numéro 392. Question 16. Peut-il nous être révélé quelque chose sur nos existences futures? Réponse. Non. Tout ce que vous diront certains esprits à ce sujet n'est qu'une plaisanterie, et cela se comprend. Votre existence future ne peut être arrêtée d'avance, puisqu'elle sera ce que vous l'aurez faite, vous-même, par votre conduite sur la terre, et par les résolutions que vous aurez prises quand vous serez esprit. Moins vous aurez à expier, plus elle sera heureuse. Mais savoir où et comment sera cette existence, encore une fois, c'est impossible. Sauf le cas spécial et rare des esprits qui ne sont sur la terre que pour y accomplir une mission importante, parce qu'alors leur route est en quelque sorte tracée d'avance. 291. Questions sur les intérêts moraux et matériels. Question 17. Peut-on demander des conseils aux esprits? Réponse. Oui, certainement. Les bons esprits ne refusent jamais d'aider ceux qui les invoquent avec confiance, principalement en ce qui touche l'âme. Mais ils repoussent les hypocrites, ceux qui ont l'air de demander la lumière et se complaisent dans les ténèbres. Question 18. Les esprits peuvent-ils donner des conseils sur les choses d'intérêt privé? Réponse. Quelquefois, suivant le motif. Cela dépend aussi de ceux à qui l'on s'adresse. Les avis concernant la vie privée sont donnés avec plus d'exactitude par des esprits familiers, parce qu'ils s'attachent à une personne et s'intéressent à ce qui la concerne. C'est l'ami, le confident de vos plus secrètes pensées. Mais souvent, vous les fatiguez de questions si saugrenues qu'ils vous laissent là. Il serait aussi absurde de demander des choses intimes à des esprits qui vous sont étrangers que de vous adresser pour cela au premier individu que vous rencontreriez sur votre chemin. Vous ne devriez jamais oublier que la puérilité des demandes est incompatible avec la supériorité des esprits. Il faut aussi tenir compte des qualités de l'esprit familier qui peut être bon ou mauvais selon ses sympathies pour la personne à laquelle il s'attache. L'esprit familier d'un méchant homme est un méchant esprit, dont les conseils peuvent être pernicieux, mais qui s'éloigne et cède la place à un esprit meilleur, si l'homme lui-même s'améliore, ou semblable, les semblables. Question 19. Les esprits familiers peuvent-ils favoriser les intérêts matériels par les révélations? Réponse. Ils le peuvent et le font quelquefois selon les circonstances. Mais soyez assurés que jamais les bons esprits ne se prêtent à servir la cupidité. Les mauvais font miroiter à vos yeux 1000 appâts pour l'aiguillonner et vous mystifier ensuite par la déception. Sachez bien aussi que si votre épreuve est de subir telle ou telle vicissitude, vos esprits protecteurs peuvent vous aider à la supporter avec plus de résignation, l'adoucir quelquefois, mais dans l'intérêt même de votre avenir, il ne leur est pas permis de vous en affranchir. C'est ainsi qu'un bon père n'accorde pas à son enfant tout ce qu'il désire. Remarque. Nos esprits protecteurs peuvent, en maintes circonstances, nous indiquer la meilleure voie, sans cependant nous conduire à la laisse, autrement nous perdrions toute initiative et n'oserions faire un pas sans avoir recours à eux, et cela au préjudice de notre perfectionnement. Pour progresser, l'homme a souvent besoin d'acquérir l'expérience à ses dépens. C'est pourquoi les esprits sages, tout en nous conseillant, nous livrent souvent à nos propres forces, comme le fait un instituteur habile pour ses élèves. Dans les circonstances ordinaires de la vie, ils nous conseillent par l'inspiration et nous laissent ainsi tout le mérite du bien, comme ils nous laissent toute la responsabilité du mauvais choix. Ce serait abuser de la condescendance des esprits familiers et se méprendre sur leur mission que de les interroger à chaque instant sur les choses les plus vulgaires, comme le font certains médiums. Il en est qui, pour un oui ou un non, prennent le crayon et demandent avis pour l'action la plus simple. Cette manie dénote de la petitesse dans les idées. En même temps, il y a de la présomption à croire qu'on a toujours un esprit servant à ses ordres, n'ayant autre chose à faire qu'à s'occuper de nous et à nos petits intérêts. C'est en outre annihiler son propre jugement et se réduire à un rôle passif sans profit pour la vie présente et à coup sûr préjudiciable à l'avancement futur. S'il y a de la puérilité à interroger les esprits pour des choses futiles, il n'y en a pas moins de la part des esprits qui s'occupent spontanément de ce qu'on peut appeler les détails de ménage. Ils peuvent être bons, mais assurément ils sont encore bien terrestres. Question 20. Si une personne laisse, en mourant, des affaires embarrassées, peut-on demander à son esprit d'aider à les débrouiller, et peut-on aussi l'interroger sur la voie réelle qu'il a laissée, dans le cas où cet avoir ne serait pas connu, si c'est dans l'intérêt de la justice? Réponse. Vous oubliez que la mort est une délivrance des soucis de la terre. Croyez-vous donc que l'esprit qui est heureux de sa liberté viennent volontiers reprendre sa chaîne et s'occuper de choses qui ne le regardent plus pour satisfaire la cupidité de ses héritiers qui, peut-être, se sont réjouis de sa mort dans l'espoir qu'elle leur serait profitable. Vous parlez de justice, mais la justice est dans la déception de leur convoitise. C'est le commencement des punitions que Dieu réserve à leur avidité des biens de la terre. D'ailleurs, les embarras dans lesquels laisse quelquefois la mort d'une personne font partie des épreuves de la vie, et il n'est au pouvoir d'aucun esprit de vous en affranchir, parce qu'elles sont dans des décrets de Dieu. Remarque. La réponse ci-dessus désappointera sans doute ceux qui se figurent que les esprits n'ont rien de mieux à faire que de nous servir d'auxiliaires clairvoyants pour nous guider, non vers le ciel, mais sur la terre. Une autre considération vient à l'appui de cette réponse. Si un homme a laissé pendant sa vie ses affaires en désordre par incurie, il n'est pas vraisemblable qu'après sa mort il en prenne plus de soucis, car il doit être heureux d'être délivré des tracas qu'elle lui causait. Et pour peu qu'il soit élevé, il y attachera encore moins d'importance comme esprit que comme homme. Quant au bien inconnu qu'il a pu laisser, il n'a aucune raison de s'intéresser à d'avides héritiers, qui ne penserait probablement plus à lui s'il n'espérait en tirer quelque chose. Et s'il est encore imbu des passions humaines, il peut se faire un malin plaisir de leur désappointement. Si dans l'intérêt de la justice et des personnes qu'il affectionne, un esprit juge utile de faire des révélations de ce genre, il le fait spontanément, et l'on n'a pas pour cela besoin d'être médium, ni d'avoir recours à un médium. Il amène la connaissance des choses par des circonstances fortuites, mais ce n'est jamais sur la demande qu'on lui en fait. attendu que cette demande ne peut changer la nature des épreuves que l'on doit subir. Elle serait plutôt propre à les aggraver, parce qu'elle est presque toujours un indice de cupidité et prouve à l'esprit qu'on s'occupe de lui par intérêt. Entre parenthèses, voyez le numéro 295. 292. Question sur le sort des esprits. Question 21. Peut-on demander aux esprits des renseignements sur leur situation dans le monde des esprits? Réponse. Oui, et ils en donnent volontiers quand la demande est dictée par la sympathie ou le désir d'être utile et non par la curiosité. Question 22. Les esprits peuvent-ils décrire la nature de leur souffrance ou de leur bonheur? Réponse. Parfaitement. Et ces sortes de révélations sont d'un grand enseignement pour vous, car elles vous initient à la véritable nature des peines et des récompenses futures en détruisant les idées fausses que vous vous faites à ce sujet. Elles tentent à ranimer la foi et votre confiance en la bonté de Dieu. Les bons esprits sont heureux de vous décrire la félicité des élus. Les mauvais peuvent être contraints de décrire leurs souffrances afin de provoquer le repentir chez eux. Ils y trouvent même quelquefois une sorte de soulagement. C'est le malheureux qui exalte sa plainte par l'espoir de la compassion. N'oubliez pas que le but essentiel, exclusif du spiritisme est votre amélioration, et c'est pour l'atteindre qu'il est permis aux esprits de vous initier à la vie future en vous offrant des exemples dont vous pouvez profiter. Plus vous vous identifierez avec le monde qui vous attend, moins vous regretterez celui où vous êtes maintenant. Ceci est en somme le but actuel de la révélation. Question 23. En évoquant une personne dont le sort est inconnu, peut-on savoir d'elle-même si elle existe encore? Réponse. Oui, si l'incertitude de sa mort n'est pas une nécessité ou une épreuve pour ceux qui ont intérêt à le savoir. Si elle est morte, peut-elle faire connaître les circonstances de sa mort de manière à pouvoir le vérifier? Réponse. Si elle y attache quelque importance, elle le fera, autrement elle s'en soucie peu. Remarque. L'expérience prouve que, dans ce cas, l'esprit n'est nullement excité par les motifs d'intérêt que l'on peut avoir de connaître les circonstances de sa mort. S'il tient à les révéler, il le fait de lui-même, soit par voie médianimique, soit par celle des visions ou apparitions, et peut alors donner les indications les plus précises. Dans le cas contraire, un esprit trompeur peut parfaitement donner le change et s'amusera à faire des recherches inutiles. Il arrive fréquemment que la disparition d'une personne dont la mort ne peut être officiellement constatée apporte des entraves aux affaires de famille. Ce n'est que dans des cas très rares et très exceptionnels que nous avons vu les esprits mettre sur la voie de la vérité d'après la demande qui leur en est faite. S'ils voulaient le faire, ils le pourraient sans doute, mais souvent cela ne leur est pas permis si ces embarras sont des épreuves pour ceux qui seraient intéressés à s'en affranchir. C'est donc se leurrer d'un espoir chimérique que de poursuivre par ce moyen des recouvrements d'héritage dont le plus positif est l'argent que l'on dépense à cet effet. Il ne manque pas d'esprits disposés à flatter de pareilles espérances et qui ne se font aucun scrupule d'induire à des démarches dont on est souvent très heureux d'être quitte pour un peu de ridicule. 293. Question sur la santé. Question 24. Les esprits peuvent-ils donner des conseils pour la santé? Réponse. La santé est une condition nécessaire pour le travail que l'on doit accomplir sur la terre. C'est pourquoi ils s'en occupent volontiers. Mais, comme il y a des ignorants et des savants parmi eux, il ne convient pas plus pour cela que pour autre chose de s'adresser au premier venu. Question 25. En s'adressant à l'esprit d'une célébrité médicale, est-on plus certain d'obtenir un bon conseil? Réponse. Les célébrités terrestres ne sont pas infaillibles et ont souvent des idées systématiques qui ne sont pas toujours justes et dont la mort ne les délivre pas tout de suite. La science terrestre est bien peu de chose auprès de la science céleste. Les esprits supérieurs seuls ont cette dernière science. Sans avoir des noms connus de vous, ils peuvent en savoir beaucoup plus que vos savants sur toute chose. La science ne fait pas seule les esprits supérieurs, et vous seriez très étonné du rang que certains savants occupent parmi nous. L'esprit d'un savant peut donc n'en savoir pas plus que lorsqu'il était sur la terre, s'il n'a pas progressé comme esprit. Question 26. Le savant devenu esprit reconnaît-il ses erreurs scientifiques? Réponse. S'il est arrivé à un degré assez élevé pour être débarrassé de sa vanité et comprendre que son développement n'est pas complet, il les reconnaît et les avoue sans honte. Mais s'il n'est point assez dématérialisé, il peut conserver quelques-uns des préjugés dont il était imbu sur la terre. Question 27. Un médecin pourrait-il, en évoquant ceux de ses malades qui sont morts, en obtenir des éclaircissements sur la cause de leur mort, les fautes qu'il a pu commettre dans le traitement, et acquérir ainsi un surcroît d'expérience? Réponse. Il le peut, et cela lui serait très utile, surtout s'il se faisait assister par des esprits éclairés qui suppléeraient aux défauts de connaissance de certains malades. Mais pour cela, il faudrait qu'il fît cette étude d'une manière sérieuse, assidue, dans un but humanitaire, et non comme moyen d'acquérir sans peine savoir et fortune. 294. Question sur les inventions et découvertes. Question 28. Les esprits peuvent-ils guider dans les recherches scientifiques et les découvertes? Réponse. La science est l'œuvre du génie. Elle ne doit s'acquérir que par le travail, car c'est par le travail seul que l'homme avance dans sa voie. Quel mérite aurait-il s'il n'avait qu'à interroger les esprits pour tout savoir? Tout imbécile pourrait devenir savant à ce prix. Il en est de même des inventions et des découvertes de l'industrie. Puis une autre considération, c'est que chaque chose doit venir en son temps. Et quand les idées sont mûres pour la recevoir, si l'homme avait ce pouvoir, il bouleverserait l'ordre des choses en faisant pousser les fruits avant la saison. Dieu a dit à l'homme, tu tireras ta nourriture de la terre à la sueur de ton front. Admirable figure qui peint la condition dans laquelle il est ici-bas. Il doit progresser en tout par l'effort du travail. Si on lui donnait les choses toutes faites, à quoi lui servirait son intelligence? Il serait comme l'écolier dont un autre ferait le devoir. Question 29. Le savant et l'inventeur ne sont-ils jamais assistés par les esprits dans leurs recherches? Réponse. Oh, ceci est bien différent. Lorsque le temps d'une découverte est arrivé, les esprits chargés d'en diriger la marche cherchent l'homme capable de la mener à bonne fin et lui inspirent les idées nécessaires de manière à lui en laisser tout le mérite, car ces idées, il faut qu'il les élabore et les mette en œuvre. Il en est ainsi de tous les grands travaux de l'intelligence humaine. Les esprits laissent chaque homme dans sa sphère. De celui qui n'est propre qu'à bêcher la terre, ils ne feront pas le dépositaire des secrets de Dieu, mais ils sauront tirer de l'obscurité l'homme capable de seconder ses desseins. Ne vous laissez donc point entraîner par curiosité ou par ambition dans une voie qui n'est pas le but du spiritisme et qui aboutirait pour vous aux plus ridicules mystifications. Remarque. La connaissance plus éclairée du spiritisme a calmé la fièvre des découvertes que dans le principe on s'était flatté de faire par ce moyen. On avait été jusqu'à demander aux esprits des recettes pour teindre et faire repousser les cheveux, guérir les corps aux pieds, etc. Nous avons vu bien des gens qui ont cru leur fortune faite et n'ont recueilli que des procédés plus ou moins ridicules. Il en est de même lorsqu'on veut, à l'aide des esprits, pénétrer les mystères de l'origine des choses. Certains esprits ont, sur ces matières, leur système qui ne vaut souvent pas mieux que celui des hommes et qu'il est prudent de n'accueillir qu'avec la plus grande réserve. 295. Question sur les trésors cachés. Question 30. Les esprits peuvent-ils faire découvrir les trésors cachés? Réponse. Les esprits supérieurs ne s'occupent pas de ces choses, mais des esprits moqueurs indiquent souvent des trésors qui n'existent pas, ou peuvent aussi en faire voir un dans un endroit, tandis qu'il est à l'opposé, et cela a son utilité pour montrer que la véritable fortune est dans le travail. Si la Providence destine des richesses cachées à quelqu'un, il les trouvera naturellement, autrement non. Question 31. Que penser de la croyance aux esprits gardiens des trésors cachés? Réponse. Les esprits qui ne sont pas dématérialisés s'attachent aux choses. Des avares qui ont caché leurs trésors peuvent encore les surveiller et les garder après leur mort. Et la perplexité où ils sont de les voir enlevés est un de leurs châtiments, jusqu'à ce qu'ils en comprennent l'inutilité pour eux. Il y a aussi les esprits de la terre chargés d'en diriger les transformations intérieures et dont, par allégorie, on en fait les gardiens des richesses naturelles. Remarque. La question des trésors cachés est dans la même catégorie que celle des héritages inconnus. Bien fou serait celui qui compterait sur les prétendues révélations qui peuvent lui être faites par les plaisants du monde invisible. Nous avons dit que lorsque les esprits veulent ou peuvent faire de semblables révélations, ils le font spontanément et n'ont pas besoin de médium pour cela. En voici un exemple. Une dame venait de perdre son mari après 30 ans de ménage et se trouvait à la veille d'être expulsée de son domicile sans aucune ressource par ses beaux-fils auxquels elle avait tenu lieu de mère. Son désespoir était au comble lorsqu'un soir son mari lui apparaît, lui dit de le suivre dans son cabinet. Là, il lui montre son secrétaire qui était encore sous les scellés et par un effet de seconde vue, il lui en fait voir l'intérieur. Il lui indique un tiroir à secret qu'elle ne connaissait pas et dont il lui explique le mécanisme. Il ajoute « J'ai prévu ce qui arrive et j'ai voulu assurer votre sort. Dans ce tiroir sont mes dernières dispositions. Je vous cède la jouissance de cette maison et une rente de... » Puis il disparut. Le jour de la levée des scellés, personne ne put ouvrir le tiroir. La dame alors raconta ce qui lui était arrivé. Elle l'ouvrit en suivant les indications de son mari. Et l'on y trouva le testament conforme à ce qui lui avait été annoncé. 296. Question sur les autres mondes. Question 32. Quel degré de confiance peut-on avoir dans les descriptions que les esprits font des différents mondes? Réponse. Cela dépend du degré d'avancement réel des esprits qui donnent ces descriptions, car vous comprenez que des esprits vulgaires sont aussi incapables de vous renseigner à cet égard qu'un ignorant l'est chez vous de décrire tous les pays de la terre. Vous adressez souvent sur ces mondes des questions scientifiques que ces esprits ne peuvent résoudre s'ils sont de bonne foi. Ils en parlent selon leur idée personnelle. Si ce sont des esprits légers, ils s'amusent à vous donner des descriptions bizarres et fantastiques. D'autant mieux que ces esprits, qui ne sont pas plus dépourvus d'imagination dans l'erraticité que sur la terre, puisent dans cette faculté le récit de bien des choses qui n'ont rien de réel. Cependant, ne croyez pas à l'impossibilité absolue d'avoir sur ces mondes quelques éclaircissements. Les bons esprits se plaisent même à vous décrire ceux qu'ils habitent, afin de vous servir d'enseignement pour vous améliorer et vous engager à suivre la voie qui peut vous y conduire. C'est un moyen de fixer vos idées sur l'avenir et de ne pas vous laisser dans le vague. Quel contrôle peut-on avoir de l'exactitude de ces descriptions? Réponse. Le meilleur contrôle est la concordance qu'il peut y avoir entre elles. Mais rappelez-vous qu'elles ont pour but votre amélioration morale et que, par conséquent, c'est sur l'état moral des habitants que vous pouvez être le mieux renseigné et non sur l'état physique ou géologique de ces globes. Avec vos connaissances actuelles, vous ne pourriez même pas les comprendre. Cette étude ne servirait point à vos progrès ici-bas et vous aurez toute possibilité de la faire quand vous y serez. Remarque. Les questions sur la constitution physique et les éléments astronomiques des mondes rentrent dans l'ordre des recherches scientifiques dont les esprits ne doivent pas nous épargner la peine. Sans cela, un astronome trouverait très commode de leur faire faire ses calculs, ce dont, sans doute, il se garderait bien de convenir. Si les esprits pouvaient, par la révélation, épargner le travail d'une découverte, il est probable qu'il le ferait en faveur du savant assez modeste pour en reconnaître ouvertement la source, plutôt qu'au profit des orgueilleux qui les renient et auxquels il ménage souvent, au contraire, des déceptions d'amour-propre.